Je suis né dans une famille de ringleting. Mes parents voulaient une fille ringleting. Oh, à l'école, je passais pour un ringleting. Dans la main, j'avais comme un ringleting. Vous m'avez compris. Un jour j'ai traité grand-mère de ringleting. Elle m'a retourné une paire de ringleting. Oh, mémé ne comprenait pas le ringleting. Elle parlait chinois mais pas le ringleting. Elle n'a pas compris. Je passe ma vie à faire des ring-a-ding. Je n'ai jamais voulu changer de style. J'aime la vie, j'aime le ring-a-ding. Et comme ça je vais de ville en ville. Je suis amoureux d'une fille très ring-a-ding. Elle a des yeux bleus. J'ai des rires.